qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Pendant toute cette année, Franck Ferrand et Serge Le Gain nous ont permis de faire mieux connaissance avec les grands peintres Velázquez, Corot, Watteau, Rubens ou encore Delacroix. Aujourd'hui, ils ont choisi de nous emmener au cœur d'un certain Caravage, au cœur de l'histoire d'un certain Caravage. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous sommes bien conscients dans cette émission que la radio, ce sont d'abord des images. Et je sais que vous êtes très nombreux à aimer ces heures que nous consacrons régulièrement à la peinture. D'ailleurs, les messages qui nous sont arrivés avant même que ne commence l'émission le prouvent aujourd'hui. Vous en réclamez davantage. Serge Le Gain répond à chaque fois présent. C'est toujours un plaisir de parler peinture avec lui. Or aujourd'hui, au-delà du génie artistique, c'est un aventurier pur et dur que nous aimerions vous présenter. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que vous pose Anaïs. Elle aimerait savoir pourquoi notre capitale s'appelle Paris et depuis quand? Eh oui, depuis quand on ne dit plus Lutèce, tout simplement? Eh bien, je répondrai évidemment à Anaïs. Pour le moment, place aux ombres et aux lumières de l'Italie du XVIe et du XVIIe siècle. Place à une vie faite de violence, de fulgurance, de délices et de souffrances mêlées. Europe 1. Cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Certains d'entre vous le savent, il y a quelques semaines, nous avons passé une semaine en mer grâce à la croisière Historia. Mon ami Serge Le Gain était de la fête et il a enchanté, disons-le, les participants d'une très belle conférence pleine d'ombre et de lumière sur ce peintre des contrastes qu'a été Michelangelo Merisi, connu sous le nom de Caravaggio en français. Le Caravage. Je me suis dit qu'il était dommage quand même que les auditeurs d'Europe 1 ne puissent pas profiter de cette conférence, d'où l'idée d'une promenade radiophonique à travers l'œuvre de ce maître italien, à travers sa vie aussi, une vie mouvementée, vous allez le voir. Alors, vous aurez peut-être noté la prédestination du prénom déjà, Michelangelo, comme le géant des arts de la Renaissance. Ce n'est pas rien, ce n'est pas indifférent d'être baptisé Michelangelo à Milan en 1561. Pourquoi Milan? Eh bien parce que c'est là, dans la capitale lombarde, que se sont à l'époque installés les parents de cet enfant, Giovan Fermo Merisi et son épouse Lucia Aratori. Ils s'étaient mariés quelques temps plus tôt, hein, 8 mois plus tôt, on va dire que la gestation était bien calculée. Ils s'étaient mariés quelques mois plus tôt à Caravaggio, cette petite ville qui est pas loin de Bergame, dont ils étaient tous les deux originaires. Et donc, après le mariage, ils ont décidé d'aller à la grande ville, d'une certaine façon, ils sont allés s'installer à Milan. Le petit Michelangelo naît donc le 29 septembre 1571. Il est baptisé le lendemain dans la paroisse de Santo Stefano Maggiore et il est quand même protégé, cet enfant. Vous allez voir que la protection va jouer un rôle non négligeable dans son existence. Son parrain est le patricien milanais Francesco Cessa. Alors, après Michelangelo, il y aura d'autres enfants dans cette famille. Lucia va donner naissance à un petit Giovanni Battista, puis à une Caterina, enfin à Giovanni Petro, qui donc porte un peu le prénom de son père, hein, Giovanni Fermo. En fait, il naîtra, cet enfant qui porte le même prénom que son père, il naîtra au moment où son père vient de mourir. Mourir de quoi? De la peste, car en 1576, la peste frappe Milan. Les Mérisies, à ce moment-là, vont se réfugier à la campagne. Vous savez, quand vous avez comme ça une grande ville qui est sujette à l'épidémie, on a tendance à vouloir se sauver, donc ils vont s'installer à Caravaggio, justement. Sauf que c'est une précaution qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas prendre. Le 20 octobre 1577, nous raconte Laurent Bollard, un des biographes du peintre, Bernardino, le grand-père de l'artiste, mourait de la peste, précédant de quelques heures Fermo, le père de Michelangelo. La peste qui s'était éteinte à Milan faisait encore rage à Caravaggio et dans la plupart des bourgs et des villages en raison de ces déplacements incessants de la ville vers la campagne qui favorisaient la transmission de la maladie. Ben oui, ils n'avaient pas été les seuls, les Mérisies, à avoir cette idée-là. Ce qui fait que Michelangelo va désormais être un petit orphelin, si l'on peut dire. Il va passer son enfance entre Milan et Caravaggio avant de s'établir vraiment à Milan où il va pouvoir apprendre la peinture auprès d'un des plus grands maîtres de l'époque. Il entre en apprentissage dans l'atelier milanais du peintre Simone Petersano qui lui-même avait été l'élève de Titien. Et d'ailleurs, cette empreinte de Titien, on la retrouvera chez Caravage. On va en parler tout à l'heure avec Serge, bien entendu. Alors, il reste là pendant 3 ans et demi, 4 ans, hein, de 1584 à 1588. Et puis, après la fin de son apprentissage, le jeune peintre va devoir affronter deux drames successifs hein, qui le touchent vraiment. C'est la mort de son jeune frère, le fameux petit Giovanni Fermo, justement, qui meurt en juin 88. Et puis, la mère vient à mourir, elle aussi, en novembre 1590. Entre 88 et 92, nous dit Laurent Bollard, les 4 années qui s'écoulent entre la fin de l'apprentissage de Caravage et son départ pour Rome, le peintre semble avoir habité tantôt à Caravaggio, où il est signalé en 1592, tantôt à Milan, où on le dit fin 1591, logeant paroisse San Vito in Pasquirello. Nous ignorons quelles furent ses activités pendant ces années, nous dit-il. Avoir la maîtrise dont il fit preuve dès ses premières œuvres romaines, il continua très certainement à se perfectionner dans l'art de la peinture, soit aux côtés de Petersano, dont il serait alors devenu l'assistant salarié, soit en s'établissant à son compte, on ne sait pas. La seule certitude que nous ayons est qu'il se trouva dans un besoin d'argent constant. Et oui, il a très vite dissipé son héritage, il va mener une vie complètement dissolue. Il faut dire qu'il arrive dans la Rome de l'époque. On est au début du pontificat de Clément VIII. On est dans une Rome passablement débauchée, il faut bien le dire. Alors, il va fréquenter toutes sortes d'artistes, notre Michelangelo. Il entre dans l'atelier de Giuseppe Cesari, qu'on appelle le cavalier d'Arpin, peintre attitré du pape. Alors, il y en a pas mal, hein, des peintres attitrés, mais enfin, tout de même, il fait partie de ceux qui sont en vue, cet artiste-là. Il va confier au jeune homme, au petit Michelangelo, il va lui confier la tâche de réaliser les fleurs et les fruits sur les tableaux. Vous savez que chacun avait un petit peu son rôle dans ses ateliers. Eh bien, Michelangelo, semble-t-il, est particulièrement doué pour faire paraître les fruits plus mûrs, plus suaves et plus appétissants. C'est un court extrait de l'Orfeo de Monteverdi sur Europe 1. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Caravage. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Michelangelo Merisi di Caravage. Ah oui, ce Caravage dont nous allons bientôt découvrir l'extraordinaire univers esthétique. Parce que pour l'instant, je vous raconte une vie dont vous avez bien compris qu'elle est quand même très dense, hein, cette existence. Il s'est d'ailleurs fâché avec son maître, la Cesari, notre Caravage. On ne l'appelle pas encore tout à fait comme ça, mais peu importe. On ne sait pas pourquoi il s'est fâché. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les rixes sont nombreuses dans cette existence et que les causes des rixes nous sont presque toujours inconnues. Alors selon les biographes, bien entendu, elles prennent des couleurs et des raisons très différente. Il va trouver en tout cas un nouveau protecteur en la personne du cardinal Del Monte, qui est un homme de très grande culture, passionné d'art, de musique, qui va lui acheter plusieurs peintures par la suite, les fameux tricheurs, la diseuse de Bonaventure du Louvre, bien entendu, les musiciens, le joueur de luth, etc. Et la célèbre tête de Méduse. On va revenir sur tout ça, évidemment, avec Serge Lega. Disons-le, le cardinal Del Monte n'est pas un modèle de vertu. Notamment, il a un penchant très vif pour les jeunes garçons. Ça tombe bien puisque celui qu'on va donc appeler Caravage possède le don de mettre en valeur les corps dénudés de ses jeunes modèles. Dominique Fernandez a publié il y a quelques années une très jolie biographie de Caravage qui s'appelle « La course à l'abîme ». En fait, c'est comme une autobiographie, ce sont des mémoires apocryphes. C'est Caravage lui-même qui raconte sa vie, si vous voulez. Et voilà ce qu'écrit Dominique Fernandez à propos des soirées chez ce fameux cardinal Del Monte. En faisant déguiser en femmes les jeunes et beaux modèles de son palais, écrit-il, le cardinal cherchait à obtenir l'équivalent plastique de l'effet causé par les voix de castrat. Il chantait et dansait vêtu de blouses blanches, de chemises décolletées, la poitrine épilée, les paupières soulignées d'un trait d'encre de Chine, les lèvres rehaussées de rouge. Le public se laissait gagner par le pittoresque de voir un sexe prendre avec tant de grâce les agréments de l'autre. Je ne savais moi-même que penser de ces singeries. Oui, il y a une certaine distance de la part du Caravage à l'égard de tout cela, sans aucun doute. Les ennuis réels pour Caravage vont commencer en 1600. À ce moment-là, un élève de l'académie va porter plainte. Je cherche la phrase exacte. Il porte plainte contre Michelangelo Merisi da Caravaggio, peintre habitant chez le cardinal Del Monte. Il semblerait que le vendredi précédent, dans la Via della Scrofa, à deux pas donc de la Piazza d'Espagne, il a été attaqué, ce jeune homme, là, bastonné, frappé d'un léger coup d'épée même. L'affaire va rester sans suite, mais dès le 7 février de l'année suivante, Caravage fait à nouveau parler de lui, en blessant cette fois d'un coup d'épée un ancien sergent de la garde du château Saint-Ange. On n'a pas trop de mal à imaginer l'origine de tout ce genre de dispute, évidemment. Le 11 octobre de la nouvelle année, il est surpris portant épée et poignard, et ayant déjà commis ce délit, il va passer une nuit à la prison de Tordinona. Et c'est une véritable série noire dans laquelle on a l'impression que le peintre est en train de s'engluer. En 1603, Caravage est l'objet d'une plainte pour diffamation de la part de son rival, le peintre Giovanni Baglione, et la plainte est suivie d'un procès à l'occasion duquel il expose devant la cour ses idées sur la peinture, sur ses collègues, etc. Sans qu'on sache la raison de son exaspération, écrira Gérard Julien Salvi, le Caravage qui dîne à l'Osteria del Moro jette un plat d'artichaut à la figure d'un certain Pietro de Fossacchia, un garçon d'atelier originaire de Lugano. Vous remarquerez que là encore, le biographe nous dit sans qu'on sache vraiment, on va dire beaucoup de pudeur finalement chez les biographes de Caravage. Quelques jours plus tard, il est arrêté pour avoir lancé des cailloux sur des gardes patrouillant au pied de l'escalier de la Trinité des Monts. Ça commence vraiment à faire pas mal et on peut dire que, aussi talentueux soit-il, le Caravage est en train de devenir indésirable à Rome à cause de toutes ces frasques, de tous ces délits. Le 29 juillet de cette année 1605, nouvel accès de violence. Le Caravage blesse cette fois au visage le notaire Mariano Pasqualone de Accumulo, qui déclarera au juge « J'ai été assassiné par Michelangelo da Caravaggio. Il est vraiment grand temps que notre homme prenne la poudre d'escampette. » Alors il décide de quitter Rome pour Gênes, où il ne fera finalement qu'un bref séjour avant de rentrer à Rome. Et cette fois, on peut dire que son destin va vraiment basculer. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous Franck Ferrand à la vie de Caravage l'aventurier. Et oui, je vous disais que Caravage allait, son destin allait complètement basculer parce qu'il va commettre l'irréparable cette fois. Vous savez qu'il a l'habitude de traîner dans les bas-fonds, il est tout le temps dans les bagarres de rue et dans les rixes de taverne. Et un soir, à l'occasion d'une de ces bagarres, il va blesser à mort, il va tuer le célèbre, le fameux Ranuccio Tommasoni, qui est une espèce de milicien arrogant, tout à fait favorable au roi d'Espagne, qui est un personnage qu'on connaissait bien. Et Caravage va être arrêté, il est jugé, il est condamné à mort par contumace. Et Laurent Bollard nous dit, reconnu coupable du meurtre de Tommasoni, il fut condamné au bando capitale, double peine, équivalent au bannissement à vie assorti d'une condamnation à mort et théoriquement de son exécution partout où il se trouverait, le mettant à la merci de n'importe quel chasseur de primes. Et ça, évidemment, ça va expliquer que Caravage se met à fuir. Il est constamment en fuite. On le voit se réfugier dans un premier temps dans l'Asium. De là, il va gagner Naples, la ville des ragazzi. Il est protégé par les Colonna, d'ailleurs, à Naples. On le voit ensuite passer à Malte. Et là, à Malte, il fait tout ce qu'il peut pour être nommé chevalier de Malte. Et il va y réussir, d'ailleurs. Sauf que au moment où l'on pourrait se dire, ça y est, il s'est rangé, il va se mettre au vert, il va se faire oublier d'une certaine manière, et bien pas du tout. Dans la nuit du 18 au 19 août 1608, il est le protagoniste d'une nouvelle affaire de violence au cours d'une nouvelle rixe. Caravage se mêle à un groupe qui tente de pénétrer de force dans la maison de l'organiste de la cathédrale. Il est jeté en prison, il va perdre le bénéfice de son immunité. On se dit cette fois ça va aller mal, mais il est déjà loin. Il est déjà passé en Sicile, à Syracuse. Alors pendant ce temps-là, ce qu'il faut dire, c'est que partout où il passe, il peint, il continue à peindre. Il a une production qui est même foisonnante. On va y venir dans un instant. C'est ça qui paraît complètement fou. On se dit, mais où trouve-t-il encore le temps de peindre? Parce que de Syracuse, il va fuir à Messine. De Messine, on le retrouve à Palerme. Et le voilà qui regagne en octobre 1609 Naples. Seulement là encore, les ennuis le rattrapent, on a envie de dire qu'il les trimballe derrière lui. En effet, le 24 octobre 1609, peu de temps après avoir regagné Naples, Caravage est de nouveau attaqué par un groupe d'hommes devant une auberge. On ignore les raisons de cette agression, mais de nouveau, il est en position fâcheuse. Le plus étonnant, c'est qu'entre la fin de sa convalescence et son départ de Naples, les commandes ont continué à se multiplier, notamment des commandes religieuses, et donc Caravage passe son temps à fuir et à peindre d'une certaine manière. Dans les derniers jours de juin 1610, au début du mois de juillet, il emporte avec lui quelques tableaux, quelques effets personnels. Il quitte Naples, il embarque sur une felouque dans le dessein de gagner Rome, où le bruit court que la grâce pontificale va lui être accordée. Il fait une petite escale à Palo, un petit bourg fortifié à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Rome. Il descend à terre et là, il est arrêté par le capitaine de la garnison pontificale. Il est brièvement incarcéré, sauf que le temps qu'il se fasse connaître, qu'il se fasse libérer, le navire est parti avec tous ses effets, etc. Le peintre veut absolument récupérer tout ce qui lui appartient, notamment ses précieux tableaux. Alors, il décide de rejoindre aussi vite que possible la prochaine escale prévue pour la felouque, qui se trouve donc à Porto Ercole. Le trajet entre Palo et Porto Ercole est long, il est pénible. Le voyage, on peut le dire, épuise Caravage, qui arrive complètement à bout de force. Et c'est là qu'il va mourir, figurez-vous. Alors même que le pape allait le pardonner, on ne sait pas exactement de quoi il est mort. Est-ce qu'il est mort des suites de la malaria qu'il avait contractée? Parce qu'en fait, il avait toutes sortes de maladies. Hein. Il était vraiment très mal portant. Est-ce qu'il est mort de l'agression de mystérieux ennemis? Hein. Ça pourrait être après tout un crime de commande. Toujours est-il que ce 18 juillet 1610, Michelangelo Merisi da Caravaggio s'éteint à Port Ercole, à l'hospice tenu par la confrérie de la Sainte Croix qui prenait en charge les malades étrangers à l'époque. Probablement fut-il inhumé, comme tous ceux qui décédaient à l'hôpital, dans le petit cimetière de la confrérie, hors les murs, à San Sebastiano, nous dit Laurent Bollard. Il sera mort, comme il avait vécu, d'une certaine manière, furtivement. Bonjour Serge Lega. Bonjour Franck. J'ai accompli l'exploit de parler d'un peintre sans parler de peinture, mais vous êtes là heureusement pour faire surgir les couleurs dans cette villa. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Correct. extrait de l'Orfeo de Monteverdi sur Europe 1. Vous nous parlez cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, de Michelangelo Merisi di Caravage, avec votre invité Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, historien d'art, conférencier des musées nationaux. Alors Serge Lega, d'abord est-ce qu'on dit Caravage ou le Caravage ? Ah, ça c'est un grand débat. On a longtemps dit le Caravage, comme on dit le Bernin. Maintenant on a il plutôt Caravaggio. L'habitude. Voilà, il Caravaggio. Maintenant on dit plutôt Caravage. On supprime l'article. Comme si c'était son nom de famille, alors qu'encore une fois c'est un surnom. C'est un surnom. Entendu, on l'a compris. Fait, il s'appelle Merisi. Alors je parlais de sa mort, qui reste sujette à toutes sortes de conjectures en fait. On ne sait pas exactement de quoi il est mort. Voilà, finalement. On a un petit peu évolué ces dernières années. Puisque depuis 2010, on a retrouvé dans un ossuaire justement de l'église de Porto Ercole les restes présumés de Caravage. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, comme vous l'avez dit Franck, il est atteint de beaucoup de maladies. Puisque si, sans aucun doute, il meurt des liens avec la malaria, il était intoxiqué au plomb. Alors ça, c'est une maladie chronique pour les artistes, oui, puisqu'on utilisait du blanc de plomb, etc. Donc il a une intoxication très forte au plomb. Et puis également, ce qui n'est pas du tout étonnant par rapport à la biographie que vous avez évoquée, il était atteint entre autres de la syphilis. Oui. Donc vraiment, pour un homme qui va mourir à 38 ans, c'est quelqu'un de très affaibli. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait pu être assassiné alors ? Alors l'assassinat, on l'a longtemps évoqué. On l'évoque beaucoup moins maintenant. On pense maintenant que la mort est une mort liée à ses maladies, non pas à une maladie. Alors, ce qu'il faut que nous fassions, c'est évoquer cette extraordinaire peinture sur les accents de la musique de Monteverdi. J'étais en train de les passer en revue, toutes ces grandes toiles, dont certaines sont très célèbres, bien entendu. Ce qui marque, ce qui frappe, et je le dis notamment pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas très familiers de l'histoire de l'art et qui connaîtraient pas forcément les toiles de Caravage, ce qui frappe, c'est ce contraste très fort entre des ombres et des lumières. Hein. Les scènes sont généralement plongées dans la pénombre, et il y a des rayons de lumière très forts qui dessinent notamment les anatomies de façon très spectaculaire. Une dimension du luminisme de Caravage très originale, et cette lumière est une lumière de contraste, comme vous le dites très bien, et effectivement on peut dire que c'est un maître du clair-obscur, bien évidemment. Alors chez Caravage, chose intéressante, la lumière vient toujours de l'extérieur, elle vient généralement, la source est en haut à gauche du tableau, sauf quelques rares exceptions où la source viendrait de la droite, a priori elle vient de la gauche, et c'est une lumière très directionnel. On pourrait dire, avec une image actuelle, que c'est une lumière qui est comme celle que donneraient des coups de projecteur à notre époque. Ça, exactement. Et ça donne évidemment à tout ça un relief qui est quasi sculptural. Hein, c'est totalement sculptural. Et c'est là où l'ironie fait que le prénom de Michelangelo était étonnant. Mais en plus, on sait que Caravage avait une véritable passion pour le talent de Michel-Ange, qui était un des artistes qu'il admirait beaucoup. Il a commencé comme peintre d'atelier, on l'a bien compris. Il faisait des fruits, des fleurs, des natures mortes en fait, oui. Oui, c'était le début. Qui était dans le coin de certaines compositions plus vastes. Voilà, alors le futur cavalier d'Arpin utilisait effectivement les talents à venir de Caravage. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ses premiers tableaux indépendants, Caravage rajoute toujours lui aussi des natures mortes. C'est-à-dire que cette formation chez le peintre qui est le futur cavalier d'Arpin lui aura laissé des traces, puisque dans ses premiers tableaux, on a toujours la présence de fruits ou de fleurs dans les premiers plans des tableaux. Et puis on a toujours la présence à peu près du même jeune garçon. Ils se ressemblent quand même beaucoup d'une toile à l'autre, et qui était son modèle préféré en quelque sorte. Oui, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que on parle du luminisme, on vient de le dire, mais on parle aussi du réalisme de Caravage. Alors là, je voudrais préciser une petite chose. Quand on parle du réalisme de Caravage, cela ne veut pas dire que les sujets sont forcément réalistes. La plupart des grands tableaux de Caravage sont soit religieux, soit mythologiques. Ce qui est réaliste, ce sont les acteurs. C'est-à-dire qu'un Bacchus est en fait un jeune modèle d'atelier non idéalisé. Ça sera la même chose pour la Vierge, ça sera la même chose pour les apôtres. Les personnages sont issus de la rue. Et là, encore une fois, on revient au grand principe du Concile de Trente, ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'Église catholique a tant aimé le talent de Caravage. Il correspondait à ce que l'Église catholique attendait en cette fin du XVIe siècle. On est dans une époque de mécénat, bien entendu. Bien sûr. Il faut que de riches collectionneurs vous aident à vivre à l'époque. Alors ce sera le cas du cardinal Del Monte, notamment. Voilà. Et puis par la suite, une famille qui a beaucoup compté, ce sont les marquis Giustiniani, entre autres Vincenzo Giustiniani, qui est vraiment à Rome le deuxième grand mécène de Caravage. D'ailleurs, on peut dire de nos jours que quand des tableaux sont mentionnés dans la collection Del Monte ou dans la collection Giustiniani, c'est toujours un critère de qualité pour les peintures de Caravage, ce qui explique que dernièrement, certains tableaux sont réapparus pour lesquels on a plus que des doutes, entre autres les tableaux de Loche qui sont très très très douteux. Oui. Alors, il y a un tableau qui n'est pas douteux, c'est la célèbre diseuse de Bonaventure du Louvre. Ah, qui est une merveille. Moi, quand j'étais, j'allais dire petit, en tout cas jeune, ça me fascinait, ce tableau. C'est un tableau fascinant, et c'est un tableau, en plus, où tout le monde ne voit pas véritablement le sujet, puisque le thème, en apparence, c'est un jeune homme qui se fait lire les lignes de la main par une zingara, par une bohémienne. Et en fait, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que pendant que la bohémienne, avec un doigt, désigne les lignes de la main du jeune homme, avec les trois autres doigts, elle a déjà fait glisser son anneau d'or, elle est en train de lui voler sa bague. Et ça, c'est le thème omniprésent du vol dans toutes les diseuses de Bonaventure de Caravage ou des peintres dits caravagesques. Le vol est toujours présent et là, on revient au principe du Concile de Trente. L'Église catholique considérait que l'avenir n'appartient qu'à Dieu et que l'homme n'a pas à connaître son avenir, d'où la punition symbolisée par le vol. On a l'impression que les personnages sont vêtus de costumes de théâtre. Ah, complètement, mais il y a un côté très théâtral, puisque d'abord, le tableau du Louvre, ce sont deux personnages isolés sur un fond sombre. Alors, très typique des premiers tableaux de Caravage, ils sont coupés à mi-corps, le fond est totalement neutre, uniquement habité par la lumière. Chose intéressante, il y a encore, puisque c'est un tableau qui se situe vers 1593-94, donc très tôt dans la carrière de Caravage, il y a encore une grande palette variée, des jeux de couleurs, des goûts du détail, dans les motifs des costumes également. À la fin de sa vie, Caravage supprimera les détails et aura une peinture presque monochrome. Grande hardiesse dans la composition aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la composition relativement classique qu'on pouvait trouver chez la plupart des grands maîtres de cette époque. Il distord les cadres, il modifie la position des personnages, il nous met toujours au cœur de l'action dans ce qu'elle a de plus instantané. Voilà, on est comme intégré dans l'action et on se retrouve au cœur du tableau. Et le message est d'autant plus fort que l'on est comme participant à la thématique quelle qu'elle soit. Les pèlerins d'Emmaüs sont à Londres, je crois. Absolument. Alors ça, c'est une toile assez fascinante aussi parce que là, on ajoute une dimension en quelque sorte. Il y a un effet de relief et de perspective. C'est un peu comme quand on va au cinéma et qu'on met des lunettes en 3D. Oui, le couteau notamment, absolument. On a l'impression qu'on pourrait le toucher comme mais ça. Il y a cette qualité des valeurs tactiles chez Caravage, absolument étonnante. On a l'impression que les personnages vivent devant nous, que les objets sont des objets qu'on pourrait prendre entre nos mains. Et il y a, alors particulièrement dans les pèlerins d'Emmaüs de Londres, absolument, une sorte de vision très tridimensionnelle, tout à fait étonnante. Alors moi, ce qui me fascine, c'est que nous sommes en présence de personnages dont on a l'impression qu'ils sont tout droit sortis de la rue, qu'ils sont les compagnons de taverne de notre Caravage. Hein. Tous ces gens-là sont de chair et de sang, si je puis dire. Or, la thématique, le thème des tableaux est généralement d'inspiration religieuse. Bien sûr. Et c'est entre autres, on le voit très très bien, par exemple, dans l'extraordinaire décor consacré à Saint Matthieu dans la chapelle Cantarelli à Saint-Louis des Français, qui est peut-être un des plus grands sommets de l'art religieux dans l'esprit de cette période qui correspond à la suite du Concile de Trente. Et on a entre autres la vocation de Saint Matthieu qui est une sorte de scène de taverne où on voit le Christ et Saint-Pierre qui arrivent et le Christ tend la main. Et on connaît la phrase où il dit, évidemment, à ce moment-là, à Lévi, qui est le futur Saint Matthieu, suis-moi. Et là, c'est extraordinaire, parce que les personnages autour de la table, chacun a une réaction humaine. Le futur Saint Matthieu se désigne en disant, j'ai compris, c'est à moi, parlant au Christ, que tu t'adresses. D'autres personnages ne comprennent rien. Il y a entre autres un personnage qui récupère très très vite les pièces d'argent et d'or qui sont sur la table, de peur que le Christ et Saint-Pierre ne veulent s'en emparer. C'est totalement étonnant. Ce sont des scènes religieuses, mais vu à l'échelle humaine, et c'est ça la force de la peinture de Caravage. Alexandre nous dit via Facebook, notre pays peut s'enorgueillir de posséder à l'église Saint-Louis des Français de Rome, ce que vous disiez Serge, un trésor unique de Caravage, un cycle de trois œuvres consacrées à l'apôtre Matthieu et commandées conformément au testament du cardinal français Mathieu Cointrel. Ces œuvres sont la propriété de la Fondation des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette. Et puis Brigitte nous dit sur le site, quel plaisir de vous entendre évoquer Caravage, ça me transporte tout de suite au musée de Rouen qui expose l'un des plus beaux tableaux qui vous donne des frissons, le Christ à la colonne. Ah, qui est un tableau, je suis tout à fait d'accord avec notre auditrice, c'est un tableau magique, en plus c'est un tableau très tardif, c'est un tableau vraisemblablement de 1610, donc l'année de la mort de Caravage, et c'est une sorte de tableau qui a là aussi une dimension spirituelle et religieuse exceptionnelle, et c'est un des grands sujets là aussi où le Christ à la colonne est totalement revu par l'originalité et la force de Caravage. Avec toujours ces personnages ces nus, on va dire, qui sont au centre de la composition, qui sont en pleine lumière, et puis tout le reste est quasiment plongé dans l'ombre. Hein. L'ombre, voilà, le ténébrisme de Caravage, qu'on retrouvera d'ailleurs chez beaucoup de peintres. Beaucoup de peintres reprendront ce principe, parce que c'est aussi une des choses extraordinaires, c'est à quel point la postérité de Caravage sera énorme. Alors la question que je me pose à ce stade, cher Serge, c'est de comprendre comment cet homme, qui était constamment poursuivi, arrêté, emprisonné, etc., comment a-t-il pu trouver le temps, l'inspiration, l'énergie pour peindre tout cela et bien d'autres choses encore. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire du peintre italien Michelangelo Merisi di Caravage avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, historien d'art, conférencier des musées nationaux. Alors, il faut que nous évoquions deux grandes toiles, Serge Lega. C'est évidemment cette conversion de Saint-Paul très spectaculaire et le crucifiement de Saint-Pierre. Oui, qui correspondent à la deuxième grande commande publique, puisque la première, on vient d'en parler, c'est la chapelle Contarelli de Saint-Louis des Français. Mm-hmm. Là, on est dans la chapelle Serrazzi à Sainte-Marie-du-Peuple, à Rome également, bien sûr. Et ce sont deux tableaux magiques qui d'ailleurs reprennent un petit peu les thèmes précédents, puisqu'on a d'un côté le thème d'un martyr, évidemment la crucifixion de Saint-Pierre, et de l'autre côté, celui d'une conversion, la conversion de Saint-Paul. Et je crois que les deux tableaux sont là aussi magiques. Je dirais que peut-être le plus extraordinaire, c'est la conversion de Saint-Paul, où on a un Saint-Paul jeté à terre, un immense cheval qui domine la composition. Les bras au ciel. Complètement. On a l'impression que Saint-Paul est comme habité par la lumière. Rarement une conversion a été représentée avec une telle puissance de la lumière divine qui comme irradie le corps de Saint-Paul. Et au premier coup d'œil, c'est vrai qu'on a plutôt presque l'impression d'un portrait de cheval. Parce qu'on voit surtout le cheval. C'est souvent le cas chez Caravage. Le personnage que l'on attend en premier apparaît en second. Du coup, on le regarde d'autant plus puisque l'on avait la même chose, par exemple, avec le martyr de Saint-Matthieu où on voit plus le bourreau, que Saint-Matthieu lui-même. Mais tout ça est d'une audace. On a l'impression de quelqu'un qui s'amuse à repousser les limites, à inventer ce que ses prédécesseurs étaient loin même d'imaginer. Peut-être l'exemple le plus frappant qu'on puisse trouver de ça, c'est un autre tableau du Louvre, alors là, auquel il faut rendre visite, si je puis dire, c'est évidemment la dormition de la Vierge. Oui, qui est même pas la dormition, enfin, qui est justement ce qu'on attendait. Une dormition de la Vierge, et Caravage fait une mort de la Vierge. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il ose représenter une Vierge qui est une Vierge véritablement cadavérique, avec un corps non idéalisé, et on est totalement loin justement du thème de la dormition, qui est cette sorte de repos très doux, très calme avant l'Assomption. Là, au contraire, et alors le scandale serait peut-être qu'en plus, Caravage a utilisé un vrai cadavre pour servir de modèle pour ce corps de la Vierge. On racontait même, ce qui est sûrement faux, que ce cadavre serait celui d'une prostituée notoire de Rome qu'on aurait repêchée dans le Tibre pour peindre la Vierge, évidemment. C'est assez scandaleux. Les bas-fonds, les tavernes, les prostituées, ça c'est son univers quotidien, si je puis dire. Et puis il va y avoir ce crime de sang qui va totalement faire basculer sa vie et qui va faire de lui un véritable fugitif à ce moment-là. Un fugitif, et je dirais, comme le disait d'ailleurs Dominique Ponneau, que d'une certaine façon, au moment où commence cet exil qui ne se terminera jamais, puisque vous l'avez très bien dit Franck, il ne reverra jamais Rome puisqu'il meurt alors à Porto Ercole. Alors que le pape était prêt à le pardonner. Et la grâce sera signée, mais quelques jours après la mort de Caravage. Les nouvelles viennent trop tard et Paul V signe la grâce sans savoir que Caravage est déjà mort. Ce qui est aussi hallucinant. Même un crime lui est pardonné. Et c'est vrai que Caravage, alors je dirais qu'à partir du moment de l'exil, à partir de Naples jusqu'à Porto Ercole, il y a une sorte de rédemption qui se sent dans les tableaux. C'est peut-être pour ça que sa peinture devient plus austère, c'est une peinture qui prend une dimension spirituelle, et vraiment, même si Caravage reste le personnage un peu scandaleux qu'on a évoqué, il y a une démarche chez lui qui est une sorte de besoin d'obtenir une forme de pardon. Le pardon, il le cherche et il espère l'obtenir. Voilà maintenant de grandes compositions dont on pourrait presque dire qu'elles sont nocturnes, dont la composition justement est plus classique incontestablement. Les personnages occupent toujours à peu près la moitié de la toile, que ce soit la partie inférieure, que ce soit la diagonale droite ou gauche, mais on a l'impression d'une peinture qui devient, vous disiez, austère, qui devient presque hermétique, avec de très grands chefs-d'œuvre, hein, la décollation de Saint-Jean-Baptiste, les funérailles de Sainte-Lucie, la résurrection de Lazare, l'adoration des bergers. et qui sont des tableaux en plus qui gagnent en intensité, entre autres par cette réduction de la palette, ce qui est tout à fait extraordinaire. On est dans les bistres, on est dans les tons de ce qu'on appelle les tons de terre. On passe de l'ocre au brun. Seule couleur, c'est évidemment le rouge avec des aplats colorés qui attirent l'œil sur les parties importantes du tableau, et évidemment des blancs et des noirs tout à fait extraordinaires. Et là, toute la peinture européenne s'en souviendra. Qui commande ces grandes toiles religieuses, hein? Alors, ce sont toujours des commandes religieuses. On est toujours dans les commandes pour les églises, que ce soit les églises de Messine, de Syracuse. La décollation de Saint-Jean-Baptiste, c'est une commande pour la cathédrale de La Valette à Malte. Mais ça veut dire donc qu'il était connu. Il était attendu d'une certaine manière. Or, c'est en même temps un repris de justice. C'est quelqu'un qui fuit. Mais c'est un personnage auquel le talent fait pardonner beaucoup. Et en même temps, je le répète, je crois que c'est tellement ce qu'on attendait d'une peinture qui était une peinture qui devait toucher les fidèles. L'Église a trouvé en lui l'homme qui était capable de convaincre les fidèles du message religieux. C'est exactement, encore une fois, ce que le Concile de Trente espérait. Et Caravage est l'homme providentiel pour l'Église catholique. Faut dire un mot de ça, ce Concile de Trente. C'est la réaction de l'Église catholique à la réforme protestante. Il s'agit pour l'Église de trouver un nouveau moyen de parler aux fidèles, alors qu'on voit une véritable hémorragie. Tous ces fidèles sont en train de se convertir au protestantisme. Et donc l'Église décide d'en rajouter dans ce qui faisait sa spécificité. C'est-à-dire qu'au lieu de copier les protestants, elle va se mettre à être encore plus spectaculaire, encore plus riche, encore plus brillante. Et avec une chose importante, l'importance du culte des images que justement les réformés remettent en cause. Et au contraire, l'Église catholique considère que le culte des images, c'est quelque chose qui doit être essentiel et qui permet de convaincre et d'apporter justement ce poids spirituel aux fidèles. Voilà pourquoi Caravage arrive, mais à point nommé. On ne peut pas mieux dire. C'est exactement une concomitance parfaite. Ces tableaux aujourd'hui sont toujours conservés dans les institutions d'origine. On était l'autre jour à La Valette avec le bateau, donc on n'a pas pu la voir, la fameuse décollation. Jamais le dimanche, si je peux dire, pour paraphraser Jules Dassin. Oui. Mais c'est jamais le dimanche à La Valette. La cathédrale ne permet pas les visite de l'oratoire Saint-Jean, où se trouvent les deux Caravages, parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a également un merveilleux Saint-Jérôme dans l'oratoire Saint-Jean, en plus de la décollation de Saint-Jean. C'est une production qui n'est pas immense, en vérité. Pour une bonne raison, sans aucun doute, Caravage n'a pas d'atelier auprès de lui. En Italie, un seul peintre peut être considéré Il a Bartolomeo Manfredi, qui peut être considéré comme un de ses vrais disciples italiens. Et chose alors absolument étonnante, nous ne connaissons aucun dessin de Caravage. Absolument aucun dessin. Ce qui peut expliquer aussi la façon dont il travaille. Sans aucun doute, il y avait un travail préparatoire, mais il attaque la toile assez directement avec les pinceaux. Ce qui là est très révolutionnaire aussi. Et c'est là que Dominique Fernandez, à mon avis, a raison de montrer la filiation avec Léonard. Il avait beaucoup à Santa Maria delle Grazie, il était beaucoup allé admirer la fameuse scène de Léonard, entre autres. Et il a sans doute la même façon très expérimentale de peindre, en quelque sorte. Avec une différence. Léonard est un grand dessinateur, puisqu'à la limite, il dessine plus qu'il ne peint, alors que Caravage, sans aucun doute, pas du tout. Caravage a ce besoin de s'affronter à la toile, au support, et donner le message que l'on attend de lui. Il aura une postérité plus éclatante peut-être encore que son œuvre. Un grand nombre des peintres qui succèdent à Caravage vont se réclamer de son style et de son inspiration. Alors je pense que c'est peut-être une des choses les plus magiques qui soient, en dehors des vrais caravagesques qui sont ces peintres qui vont directement s'inspirer de lui. Mais je dirais que le caravagisme pur et dur s'est totalement démodé à partir de 1630. Par contre, au-delà, on peut dire que Rembrandt se réclame de Caravage, que Rubens se réclame de Caravage, que Velázquez se réclame de Caravage, que Georges de la Tour se réclame de Caravage. Et c'est absolument merveilleux. J'oserais dire que pratiquement tout le XVIIe européen a une dette par rapport à Caravage. Et c'est la raison pour laquelle, pour une fois, on pourrait dire que le terme de révolution caravagesque, Dieu sait qu'en peinture, je n'aime pas ce mot de révolution, mais là, avec Caravage, c'est un terme très justifié. Mais oui, parce qu'il a tout révolutionné, il a tout changé. Il a tout changé, encore une fois, les sujets, les cadres, le moment... Le traitement des sujets, oui, absolument tout. C'est une peinture. La peinture n'a jamais plus été pareille. Après Caravage, il a apporter une dimension qui est une dimension qui restera présente même quand le caravagisme, je l'ai dit, pur et dur sera démodé. L'œuvre de Caravage nourrira les siècles à venir. Et pourtant, il est mort à 38 ans. 38 ans, c'est hallucinant quand on se souvient de c'est le Mozart de la peinture. L'évocation que vous avez faite de cette carrière absolument étonnante qui passe par toute l'Italie et même au-delà jusqu'à Malte, et il meurt à 38 ans. C'est une révolution, et une révolution qui a duré au fond pendant quelques années seulement. Et il a vécu avec une intensité particulière. C'est-à-dire que cette intensité presque surhumaine qu'il va mettre dans ses toiles, il l'avait d'abord mise dans sa vie, en vérité. C'est quelqu'un qui n'a jamais peur de vivre, d'expérimenter. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup le titre de Dominique Fernandez, La course à l'abîme. Ah, oui, je oui. trouve que c'est le plus joli titre que l'on puisse donner à Caravage. C'est exactement ça, aller jusqu'au bout de la recherche, quitte d'ailleurs à sombrer. La course à l'abîme, c'est tout à fait ça. Et au-delà du titre, La course à l'abîme de Dominique Fernandez est un très beau livre. Très beau livre, absolument. Et il faut citer aussi Le Caravage de Gérard-Julien Salvi dans la série des biographies Folio. Et si je puis me permettre, oui. aussi le livre de José Fraîche qui s'appelle voilà, Le exactement. Caravage peintre et assassin, qui est aussi tout un programme. Tout est dit là, dès le titre. Et puis un Caravage plus classique dont je me suis inspiré pas mal, vous l'avez entendu, pour ce récit de Laurent Bollard et qui est publié chez Fayard. Merci beaucoup Serge Lega d'avoir traité ce sujet de manière caravagesque. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Anaïs qui souhaite savoir pourquoi notre capitale s'appelle Paris. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Anaïs. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir pourquoi notre capitale s'appelle Paris et depuis quand. Voilà une question très claire à laquelle je vais tâcher de répondre clairement. C'est facile, hein, ça vient du nom du peuple celte qui habitait dans cette région, les Parisiens. Vous saviez qu'il y avait à Beauvais, si vous prenez les grandes villes celtes de l'époque, hein, à Beauvais vous aviez les Bellovaques, à Meaux les Meldes, à Sens les Sénons, à Chartres les Carnutes, pour aller un peu vite. Et au cœur de ça, donc ces Parisiens qui habitaient la ville de Lutèce. Et la première fois qu'on voit apparaître Lutèce, c'est dans les commentaires de la guerre des Gaules de Jules César, évidemment. Vous savez qu'en 52 avant notre ère, César, qui est en train de redescendre vers Gergovie, envoie vers l'ouest son lieutenant Labiénus pour essayer de mater une révolte des Sénons et des Parisiens, justement. Ça va être la destruction de la Lutèce celtique et la construction dans la foulée d'une nouvelle Lutèce, la Lutetia romaine. Alors cette Lutetia romaine, est-ce qu'elle a été installée à l'emplacement même de l'ancienne Lutèce des Gaulois ou est-ce qu'elle a été installée un peu ailleurs? C'est l'objet en ce moment d'une grande polémique dans laquelle vous me permettrez de ne pas entrer tout de suite parce que j'ai comme assez d'ennemis comme ça sur le feu en ce moment, si je puis dire. Ce qui est sûr, c'est que vers le 4e siècle de notre ère, les Romains appellent la ville Civitas Parisiorum, la ville des Parisiens, et puis petit à petit, on va garder que le nom de Parisie est Paris. Et la ville ne sera vraiment la capitale, et encore, elle n'en a pas tout à fait le statut, mais le souverain ne s'y installe qu'avec Clovis en 508. À partir de là, on peut dire que depuis 508, c'est-à-dire depuis 1500 ans, Paris est à la première place.